زوينه عيش حنينه اني دي هادي ولا هادي فاطمه زوينه عيش شحني نومني دي هادي واللي هادي باقي نجوجنا باقي نجربنا خايف نحصلنا باقي نجوجنا باقي نجربنا خايف نحصلنا We'll see you next time. c'est DJ Case. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Suprême Skyrock. les matins sur Skyrock. Skyrock. Tifoul te fait gagner. L'iPhone 7, il est pour toi. Tu gagnes la PS4 Slim. Ouais. Ah, nickel. Tu viens de gagner 1 500 euros. Et tu viens de gagner ton écran plat, Romain. Bravo. Et ben tous ces cadeaux, tu vas pouvoir les choper d'un seul coup, pour toi tout seul. C'est bien ça. La totale des cadeaux du Morning de Tifoul. Viens choper un écran plat, un iPhone 7, une PS4 Slim avec les jeux FIFA 17 et NBA 2K17. Ouais, trop content. Des places pour le concert de Drake. Un chèque de 1 500 euros. Non mais c'est pas possible, j'ai pas gagné 1 500 euros, j'y crois pas. Et si, tu viens de gagner 1 500 euros, Marie. Bien joué. Tous ces cadeaux, pour toi tout seul. Demain matin, note bien le mot de passe du jour entre 6h et 9h sur Skyrock. Et rendez-vous mercredi 2 novembre à 7h30 pour choper la totale. C'est la totale. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Planet Rap. 2005. Le groupe de rap section d'assaut choisissait déjà Skyrock. Papa, maman, les gars, désolé. 2014. Black M de la section choisissait Skyrock pour son premier album. Vous vous souvenez de 2016, Black M choisit encore Skyrock et rappe son nouveau projet une semaine avant sa sortie. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop, je vais vous faire oublier. Planète Rap, nouvel album de Black M. L'éternel insatisfait. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred. Sur Skyrock. Et écoute et regarde Planète Rap en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Ah. Édition Cosmos présente Rail Suprême. Minuit, 2h. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Sans oublier DJ Dila, DJ Dila. Faisal. Aya. Kowalowski. Salah Sahbi, Bizzaf, Bizzaf. Esmhi li ya madame fi. Ana nbghi wifi. Esmhi li ya madame fi. Je suis pirate dans l'eau de mer. Minuit, 2h. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui te quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Dans un tribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va pas. J'ai déjà pas mon blessé sur le palier. Comme autre tien, mais oh, j'suis médaillé. Pas mon lance négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta halal, j'vais la faire chialer. Africa.

profite sans vie d'aloca. Elle se croit fraîche, elle est plus dure. J'aime sa copine, ça c'est vrai. Hello, la go là-bas, allô, à l'hôtel. Elle fait la folle, rien qu'elle s'appelle fille du selfie. Elle fait la folle, elle s'ambiance le jour comme la nuit. Elle fait la folle, et j'avoue qu'elle me donne envie. Du même pas. voilà. On mérite liquider pour des grosses sommes. Billets qui ne perdent pas le fil de la passion. Négro pour la main, t'inquiète, Wallet, sous mauvaise idée. On m'a dit, j'étais le presse, maintenant je suis plus m'arrêter. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les bouches. Moi, je suis seul dans mon couloir. Check calcem, j'ai ce check calcem. Comparez pas les matchs, les mots capricènes. Ça fait du pastard pour retrouver le silence. Déjà, vous m'appelez, j'ai répondu présent. Quand je perds des personnes, j'ai les couilles en ciment. Libérez nos poteaux, ça fait déjà longtemps, ouais, ça fait déjà longtemps. Tu t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo, mollo, car les gens le savent. Fils, on fait les choses bien avant de pas participer, fais l'effet d'un extinct. Avant de pas participer, j'y vais mollo, mollo. Et moi, j'ai pas mollo, mollo. Tremblez mes mollo, mollo, j'y vais mollo, mollo. La concu est dans le rétro. Les proto m'ont dit qu'à vous passer, mes mollo, mollo. Et moi, j'y vais mollo, mollo. Tremblez mes mollo, mollo, j'y vais mollo, mollo. Faut sortir la monnaie, t'inquiète, c'est les préliminaires. Vision, on va t'éliminer. Même si tu t'as pété d'irinaire. Y'a pas de stress ici. Du son qu'on apprécie. PlayStation sort de la DC. On vit pas nos rêves, on anticipe. C'est dur, c'est dur. On a trop d'appétit. Mais y'a trop de belles filles, c'est bougé. J'attendrai toutes les c'est bougé. J'ai soulevé, j't'ai touché, t'es mort, dernier couplet. Tu es sorti de l'ombre sans forcer. Y'a du potentiel, tu vas céder. Ah ah, j'ai dit jamais. Oh oh oh, j'ai dit jamais. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéka, chéka comme d'hab. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéka, chéka comme d'hab. Ils veulent nous tester comme d'hab, ils vont regretter comme d'hab. Nous ambiance c'est comme d'hab. DJ K, c'est comme d'hab. DJ Geist ambiance avec tous les sons du moment. Récupère la petite et maintenant coller la petite. Récupère la petite, embrouiller la petite, angoisser la petite et maintenant. La petite, coller la. Et maintenant, coller la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Accueille-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Y'a les filles androïdes, y'a les filles tchouko. Y'a tout genre de las, les manjaja et les matongo. Y'a tout genre de lolo, les babouches et les pointues. Et même si tu choisis le 80, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointue. Choisis ton couloir, tous les parties, choisis ta petite. Mange-la avec appétit, et si tout montre-lui que tu n'es pas un petit. Les lui t'en prends le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Il passe du coq à l'âne. Il parle de

2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai coté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le compte pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en volant carré, en même temps dans ma tête, je passe qu'il se passe, j'ai plus trois gars, je voyage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est tout boy, quand j'ai la bombe, je prends le selfie, je l'air de Jack Ass Buster. Si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ Kaiser. Hey, hey, DJs au platine. Minuit 2h dans Ride Suprême sur Skyrock.

me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dés. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. C'est pas le quartier, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dés. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Cribourg de Bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Ne tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme entre tu mets au chien médaillé. Pas mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as un là, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier, marier, marier. Ton enfant, il sera pris otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut marier, marier, marier. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, j'quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. C'est vrai, surprise, Skyrock. Planet Rap.